Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional de l'édition du 11 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de l'Avalanche du Colorado qui a remporté une victoire de 4-2 contre les Blue Jackets de Columbus. Ça se passait samedi soir. Samuel Girard de Roberval a marqué un but, a terminé le match à plus 1 et a joué 21 minutes 39 secondes. Fiche de 500 pour les Saguenayens de Chicoutimi. D'abord, vendredi soir, les Sags ont perdu 4-1 contre les Tigres de Victoriaville. A noter que le seul but a été marqué par William Dufour. Et dans le deuxième match, les Saguenayens qui ont remporté une victoire de 8-4 contre les Cataractes de Shawinigan. Dans le match, faites à noter les buts de Michael Pellerin, Gabriel Villeneuve, Raphaël Harvey-Pinard, Tristan Pelletier, Théo Rochette qui a marqué un but et a amassé deux passes, William Dufour, un but, une passe. Également, notez que Samuel Houde a marqué un but et Hendrix Lapierre, un but, une passe également. Deux passes pour Félix-Antoine Marcotti et Vladislav Kotkov. Maintenant, devant 750 spectateurs qui étaient réunis au complexe sportif du secteur de Dolbeau, deuxième défaite consécutive pour les Constructions de l'Avenir. Les Constructions de l'Avenir qui ont perdu 3-2 en prolongation contre l'équipe des Blackjacks de Wendake et l'ancien joueur du Canadien et de la Ligue nationale, Donald Brashear. Faites à noter dans le match que Steven Girard a marqué un but et Simon Tremblay a également marqué un but dans le match. En fin de semaine, c'était le showcase de la Ligue JMS. On va commencer avec les matchs des Sabres de Roberval. Les Sabres qui ont remporté une victoire d'abord contre les Éperviers de Normandin par la marque de 3-0. Faites à noter pour les Sabres, les buts ont été inscrits par Vincent Gagnon. Également, Simon Dumas qui a marqué un but et a amassé une passe. Et Charles Morin qui a également marqué un but. Dans l'autre match, victoire des Sabres, encore 6-3 contre les Aiglons d'Alma. Dans le match pour les Sabres, à noter, un but, deux passes pour Vincent Gagnon. Mais le meilleur joueur a été Anthony Gagnon qui a marqué 3 buts et a amassé une passe. Il y a Simon Dumas qui a marqué également un but. Deux passes pour Michael Boivin. Les Éperviers de Normandin qui ont perdu également une autre fois contre les Marquis de Jonquière par la marque de 5-2. Pour les Éperviers, Charles-Éric Rochefort et également Xavier Lalancette ont marqué les buts. Du côté de la Ligue Midget Régionale, ça continue à bien aller pour les Castors de Dolbeau. Les Castors qui ont remporté une victoire d'abord contre les Basques de Sept-Îles par la marque de 4-0. Donc pour les Castors, à noter dans le match, un but de passe pour Christopher Minier, un but de passe pour Jacob Boulian, un but pour Anthony Trottier. Et dans l'autre match, les Castors l'ont également emporté. Du côté du Marcos Pub de Saint-Félicien, ils ont remporté une victoire de 5-4 contre les Vikings de Bécomo. Pour le Marcos Pub, à noter dans le match, que Jérémy Bouchard a marqué un but. Il y a Nathan Fortin qui a inscrit un but, une passe. Deux buts pour Xavier Lamontagne. Il y a également Mathieu Henault qui a marqué un but également. Et dans l'autre match, le Marcos Pub a gagné également 5-4 contre Bécomo. Du côté des Gaillards de Jonquière, maintenant les Gaillards de Jonquière qui vont représenter encore une fois cette année la région au bol d'or. Ils ont remporté une victoire de 25-10 contre les Indiens de Hansik. Et du côté des Cougars de Chicoutimi plutôt, les Cougars ont perdu 51-29 contre Saint-Hyacinthe. Le sport local et régional à danadosport.com. On s'en occupe.